Et ça implique automatiquement que vous soyez capable de vous réaliser à partir du moment où vous entrez en contact avec un instructeur mondial, d'être capable d'arrêter tout l'acheminement, la progression inconsciente des influences qui ont déterminé et qui ont causé dans votre passé vos complexes. Autrement dit, c'est comme si vous êtes quasiment obligé de faire confiance à l'intelligence de mes mots. Ça n'a rien à faire avec la croyance.